je m'appelle Ilta. Là ou bien là, tu parais au même. Moi je m'appelle Lita. Quand je rêve lui, c'est Lola qui saigne. Quand fusque moi là, je suis là. On faut rire aussi, fut qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. Lors des villages amortiluviennes, c'est pas ma faute. Et quand c'est dans ma lassant, je vois les autres. Du prêt à 16, attention, c'est pas ma faute à moi. Si c'est autour, au-dessus de moi, elle est l'idée. Moi, Lolita. Moi, je m'appelle Lolita. Quand les yeux ne barrent, bleu de matilène. Moi, je m'appelle Lolita. Quand le rose est pas mi-coton, mi-laine. Mon tout simple ce qu'il dit pas. En moment que je suis un phénomène, je m'appelle Lolita. Lors de village, j'amour t'y revienne. C'est pas ma faute. Et quand je dans ma lassant, je vois les autres. Tout près à 16, c'est moi, c'est pas ma faute à moi. Si c'est tout en tout de moi, elle a moi Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Lolita. Et quand je dans ma lassant, je vois les autres. Du prêt à 16, c'est moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tout en dessous de moi, L-O-L-I-T-A, moi Lolita. C'est pas ma faute. Et quand je dans ma lassant, je vois les autres. Du prêt à 16, c'est moi, c'est pas ma faute, moi. Si c'est tout en dessous de moi, L-O-L-I-T-A. Moi Lolita. Power. Power. Power. Power. Power. Je m'appelle Lolita. Là ou bien là, tu parais au même. Moi je m'appelle Lolita. Quand je rêve, c'est Lola qui sonne. Quand vous scare moi là, je suis là. On veut rire aussi, faut qu'on fasse le même. Je m'appelle Lolita. sais pas, mi-coton, mi-laine, tu sais un peu ce qui t'aime pas. En moment que je suis un phénomène, je m'appelle Lolita. L'eau des pilotes, j'amortis le vienne. C'est pas ma faute, et quand c'est un malin, chance voit les autres. Tu prêt à 16 et 12 mois, c'est pas ma faute. Moi, si c'est que tu as tout de moi, Lolita, moi Lolita, c'est pas ma faute. Et quand c'est dans ma l'enceinte, je vois les autres. Tu prêt à 16 et 12 mois, c'est pas ma faute. Moi, si c'est que tu as tout de moi, Lolita, moi Lolita. Thank you.